Nous sommes dimanche 9 juillet 2023. Bonsoir amis auditeurs, auditrices de la radio Sanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Le parti Sawagna-Frodebou s'est doté de nouveaux organes. Ce dimanche, Patrick Nyonghuru a été élu président de cette formation politique. De nouveaux organes, y compris le bureau politique. Une nouveauté au sein de cette formation politique. Vous entendrez le vice-président en la personne de Fenias Nigaba. De son côté, l'ancien chef de l'État, Sylvestre Nyanunganya, l'alternance au sein des partis politiques est un signe que la démocratie est possible. À Rumonge, un dossier pénal contre un officier de la police judiciaire qui a arrêté une personne sans informer ses supérieurs devrait être ouvert. C'est ce qu'a indiqué Martin Iteressé lors d'une descente qu'il a effectuée dans cette province du sud-ouest du pays. Et dans cette édition également, c'est la victoire de l'équipe de handball de moins de 19 ans qui a battu l'équipe rwandaise 43 buts à 37. Voilà pour les titres. Bienvenue pour les détails. Alphonse Kugimana est à la manette du son. Moïse Misago sur la présentation. Le duo, nous vous disons bienvenue. La radio de l'avenir. Je vous le disais tantôt, Patrick Nyonghuru a été élu comme président du parti Sawagna-Frodebou par les congressistes de ce parti lors d'un congrès ordinaire de 2 jours, le 7e congrès. Les congressistes ont également amendé les statuts de cette formation politique et ont créé un bureau politique comme nouveauté. Fenias Nigaba, qui a été élu vice-président du parti Sawagna-Frodebou, précise qu'ils vont redynamiser la démocratie au Burundi. Suivez. Le parti Sawagna-Frodebou a organisé un congrès, le 7e congrès ordinaire. Dans ce congrès, on a amendé les textes fondamentaux de ce parti, c'est tous les statuts du parti. On a changé certains articles, on a même changé certaines appellations. Auparavant, nous avions ce qu'on appelait une direction qui était composée de 3 personnes. Il y avait le président, le vice-président, le secrétaire général. Actuellement, avec les amendements que nous avons faits, nous avons ce qu'on va appeler le bureau politique. Le bureau politique, c'est pour répondre à certains défis que nous avons constatés qu'il faut des solutions à ces problèmes. Ici, il y a des défis. Il faut que les jeunes soient représentés, il faut que les femmes soient représentées, il faut même que les ethnies au niveau de ce bureau. Alors, nous avons voulu répondre à cette aspiration. Nous avons organisé ce congrès sur la thématique « Redynamiser le parti Sawagna-Frodebou ». Alors, comment redynamiser ce parti Sawagna-Frodebou ? On va commencer par les organes. Vous voyez comment au niveau du sommet, nous venons de changer. Ça, c'est un aspect qui montre que nous voulons redynamiser le parc. Deuxièmement, nous allons nous adapter au nouveau découpage. En plus, on va faire des descentes sur terrain. On va en plus faire des contacts politiques, des contacts diplomatiques. On va faire des contacts avec la société civile. Parce que tout le monde, nous allons le rencontrer et leur dire notre agenda. Nous voulons que ici au Burundi, nous voulons que la démocratie soit bien respecté et que les principes démocratiques soient respectés, nous allons contacter tout le monde et nous espérons que avec toute la population, toutes les catégories confondues, nous allons réussir. Le nouveau président du parti Sawagna-Frodebou est Patrick Nkurunziza et non Patrick Nyonghuru. L'alternance à la tête de la présidence du parti Sawagna-Frodebou est un signe de la démocratie au sein des partis politiques. Propos de l'ancien chef d'État Sylvestre Ntibantunganya, pour lui, l'on peut servir le parti ou le pays, même si on n'est pas à la tête du parti politique. Suivez. Et le parti Sawagna-Frodebou tenait aujourd'hui et hier son 7e congrès ordinaire. Dans ce congrès, évidemment, il y avait parmi les objectifs à atteindre se doter d'un nouveau leadership. Des élections ont été organisées. Il y a des candidats qui se sont exprimés. Et les candidatures ont été soumises au suffrage universel. À l'intérieur des membres du congrès du Frodebou, chacun a pu exposer ce qu'il va faire. Et puis, les membres du congrès ont élu librement et dans la transparence. Et cela est, à mon avis, un signe que la démocratie est possible dans les partis politiques, mais également dans les pays. Ici, je veux dire la démocratie électorale, parce que la démocratie ne se limite pas seulement aux élections, il y a d'autres aspects de la démocratie. Mais au niveau d'organisation politique, au niveau des États, des pays, il y a aujourd'hui une notion d'alternance qui est vraiment développée et qui est exigée. Et là, le plus souvent, les critiques qui sont faites au niveau du respect de l'alternance sont faites en ce qui concerne l'alternance à la tête de l'État. Mais on oublie que nos partis politiques doivent être des écoles de la démocratie. On ne peut pas favoriser l'alternance à la tête de l'État. Au sein de son parti politique même, on croit qu'en dehors de soi, il n'y a pas d'autre salut. C'est faux. Encore une fois, il faut que les gens sachent qu'on peut servir un parti politique, qu'on peut servir un pays sans être nécessairement à la tête de ce pays, sans être nécessairement à la tête de ce parti. Les disponibilités, les compétences sont nombreuses. La question qui se pose est uniquement de savoir comment organiser ça, comment combiner ça pour l'intérêt général ou de l'organisation ou du pays. Poursuivons cette édition. Un dossier pénal doit être ouvert contre un officier de la police judiciaire ayant arrêté une personne sans en informer ses supérieurs. Laquelle personne est ensuite morte au cachot de la zone Gatété. Martin Iteretse, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, qui le dit, informé que le dit officier de la police judiciaire a violé la loi en gardant top secret cette arrestation. Jean-Pierre Misago. Il s'agit ici d'un officier de police judiciaire opérant dans la commune de Rumonge pour qui un dossier pénal digne de son nom sera convectionné. Martin Iteretse, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, lors d'une descente des délégués du gouvernement burundais en commune Bugarama, ce 7 juillet 2023, a déclaré que le dit officier de police judiciaire affecté à Gatété en commune Rumonge a arrêté une personne à Gatété le 29 juin 2023 et aucun rapport sur cette arrestation n'a été fourni à la hiérarchie supérieure. Et par malchance, la personne arrêtée est morte dans le cachot de la zone Gatété le 2 juillet courant. Pour le ministre ayant la sécurité publique dans ses attributions, cette OPJ a outrepassé les règles stipulant qu'il faut toujours informer ses supérieurs en cas d'arrestation ou de libération d'un retenu pour des raisons encore inavoué et doit pour cela répondre de ses actes. Le ministre de l'Intérieur rappelle les OPJ à toujours respecter la loi dans l'exercice de leur métier. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago de Rumonge Cap Sir Mwaro au centre du PEP pour parler de l'éducation cette fois-ci où plus de 1900 élèves de la province Mwaro se préparent à passer l'examen d'état édition 2023 donnant accès à l'enseignement supérieur prévu du 11 courant. Plus de 60 candidats à cet examen national sont des autodidactes selon le directeur provincial de l'éducation à Mwaro qui affirme que les préparatifs vont bon train, n'est-ce pas Laurent Ndikouri? Parmi ces 1948 élèves de la province Mwaro qui se préparent à passer à partir du 11 juillet 2023 l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur, 633 élèves sont des garçons et les filles sont au nombre de 1215. 61 élèves de ceux-là sont des autodidactes, selon Mel Barandaguié, directeur provincial de l'enseignement à Mwaro. Son responsable de l'enseignement dans cette province souligne que les centres de passation de cet examen d'État sont au nombre de 5 dans cette province, à savoir deux centres de passation situés au lycée de Mwaro, l'ENEFA Kibumbu, le lycée Muyewe ainsi que l'ENAC Kibimba. Il précise que les préparatifs pour cette épreuve sont avancés et vont bon train. Les élèves certifiés et ceux qui ont eu leur diplôme s'attellent pour le moment à faire la révision de la matière apprise toute l'année et l'exploitation des épreuves types aidées par leurs enseignants. Omer Barandaguié, directeur provincial de l'enseignement à Mwaro, dit que cela se fait pour les élèves internes et les élèves des lycées communaux. Il conseille à ses élèves candidats à cet examen d'état de continuer à s'y préparer et à éviter la perte inutile de temps. De Mwaro, Laurent Ndikouri, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Je vous rappelle qu'à la toile, cette édition peut être réécoutée sur le www.isanganiro.com. Org. Tourisme à présent, le ministère en charge du tourisme affirme qu'il est préoccupé par le réaménagement des lieux touristiques. Selon Jean-Claude Kanene, assistant au sein de son ministère, lors d'une visite organisée par la Direction générale du tourisme ce samedi dans la commune Moukike de la province Bujumbura, où se situe le mont le plus élevé du Burundi, dans l'optique de protéger le réaménagement des sites touristiques, l'administration communale de Moukike a souhaité la construction d'un hôtel pouvant séjourner les touristes. Omer Ndouaï. Heha, le mont le plus élevé du Burundi, de plus de 2600 mètres de hauteur. Ce mont se situe en commune Moukike de la province Bujumbura. C'est un lieu touristique qui peut contribuer dans le développement du pays, une fois bien aménagé. Propos de Frédéric Manirakiza, administrateur communal de la commune Moukike, qui indique que l'absence d'un hôtel pouvant loger les touristes qui visitent cet endroit est un défi. Nous voulons que ce site touristique soit réaménagé. Ça serait mieux si on y construit un hôtel pour le logement des touristes qui y visitent. Désiré Nsengiyumva, gouverneur de la province Bujumbura, lui revient sur la problématique du manque d'une route réhabilitée menant vers le mont Heha. Il manque vraiment la route qui mène vers cet endroit. Nous sommes en contact avec l'autorité de l'agence routière qui est en train de réhabiliter la route qui mène au chef-lieu de la commune. Nous demandons à cette agence que les activités de réhabilitation de cette route soient faites jusqu'au mont Heha. L'aménagement de lieux touristiques est une préoccupation du ministère ayant le tourisme dans ses attributions. Propos de Jean-Claude Binene, assistant du ministre, qui trouve que cela peut générer plus de 50% dans le trésor public. Parmi les activités que compte réaliser le secteur du tourisme, tout cela fait partie parce que ça constitue les éléments de la belle image du pays, le pays émergent et riche que nous souhaitons en 2040 et en 2060. Le tourisme ne peut pas être mis à côté car ça contribue dans le développement du pays. Concernant le manque de la route, l'assistant du ministre tranquillise que cette question sera transmise aux autorités habilitées. Merci Omer Ndouayo. La société Fly Burundi souhaite conclure un partenariat public-privé avec le gouvernement burundais pour créer une compagnie aérienne nationale. Cela ressort du conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Le ministère ayant le transport dans ses attributions a été recommandé de faire le suivi des dossiers des compagnies aériennes ayant déjà demandé officiellement de payer au Burundi, selon Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La société Fly Burundi désire conclure un partenariat public-privé avec le gouvernement du Burundi en vue de la création d'une compagnie aérienne nationale. Le gouvernement du Burundi lui a proposé de conclure d'abord un mémorandum d'entente d'une durée de 2 ans, lui permettant de commencer l'exploitation du transport aérien au Burundi seul, sans la participation du gouvernement du Burundi, pour démontrer ses capacités financières, opérationnelles et techniques en la matière. C'est l'objet de ce projet de mémorandum. Après analyse de ce projet de mémorandum, les observations et les recommandations suivantes ont été formulées. Fly Burundi devrait plutôt entrer en contact avec Burundi Airlines pour s'entendre sur les modalités de collaboration. Le ministre en charge des transports doit faire le suivi des dossiers des compagnies aériennes ayant déjà demandé officiellement d'opérer au Burundi pour qu'elles commencent à travailler d'ici la fin de l'année, pour que le pays tire profit des droits d'atterrissage qu'il a dans pas mal de pays. Il faut ouvrir les portes aux grandes compagnies qui veulent investir dans le transport aérien. Ce même conseil des ministres a adopté le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement des Maldives sur l'exemption des visas pour les ressortissants de ces deux pays. Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, précise que cela consiste à consolider les relations diplomatiques et de coopération. Cet accord a été signé le 26 avril à New York. Il prévoit la simplification des formalités de voyage, c'est-à-dire se déplacer sans visa en faveur des citoyens burundais, des ressortissants des Maldives qui se rendent dans le territoire de l'une de l'autre partie contractante. Cet accord constitue un nouveau jalon dans la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. Sa ratification va faciliter les échanges qui contribuent à renforcer les relations diplomatiques et de coopération entre les deux pays. Ce pays étant parmi les plus avancés dans le domaine du tourisme, le Burundi pourra bénéficier de l'expérience de ce pays dans ce domaine. Après analyse, le projet a été adopté. Et pour boucler cette édition, l'équipe nationale de handball des moins de 19 ans a battu l'équipe nationale du Rwanda de la même catégorie, 43 buts à 37. Après ce match qui a eu lieu au terrain de département dans la ville de Bujumbura, Floribert Nimubona, le sélectionneur, a fait savoir que cette équipe est prête pour représenter le Burundi au championnat du monde de handball pour les U19 qui débutera le 2 août en Croatie. Il explique que la mise au vert a déjà commencé pour cette équipe suivie. Ce match a été gagné tactiquement. Voilà, comme on dit, les matchs amicaux servent toujours de repère. On corrige chaque fois. La fois passée, on a perdu contre le Rwanda. Il y avait un sérieux problème de défense centrale. Il y avait un numéro 4, Samuel, qui nous dérangeait grave, malgré que on avait à maîtriser les deux arrières. Alors, la chose à faire, c'était faire avancer un troisième joueur qui joue en 3-1-2, donc c'est le 1, pour aller déstabiliser le numéro 4, qui est leur demi-centre. Il dirige le jeu, il pénètre, il marque, il passe. Il fallait aussi le maîtriser. C'est ce qui s'est passé tactiquement. Voilà, c'est pour ça qu'on les a battus. Les joueurs sont internés quelque part à Nona Beach depuis ce dimanche. Nous les suivons, ils mangent bien, sont bien entretenus. Nous avons même la chance. Le local, comme on dit, c'est à la plage. Donc nous avons accès à la plage. Donc notre préparateur physique, Fabien Deten, il va travailler avec eux pour les séances de plage, quoi. La musculation des jambes, l'endurance, tout. Il est bien outillé pour leur faire travailler. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana qui était à la manette édition. Gardez l'écoute, le programme continue sur Isanganiro. Au revoir.